Au terme du portrait de l'homme tyrannique dressé par Platon, on peut se poser les questions suivantes. Comment se fait-il que la volonté se laisse ainsi dominer par ses désirs? Comment un homme peut-il désirer faire le mal? Cela renvoie au problème de l'akrasia, la faiblesse ou intempérance de la volonté, thématisée par Platon dans le dialogue Protagoras. Ce problème est résumé par la célèbre déclaration de la Médée d'Ovide « Je vois le meilleur, je l'approuve et je fais le mal ». Comment se fait-il qu'on puisse tout à la fois connaître le bien, le désirer et néanmoins faire le mal? L'opinion populaire consiste à répondre que c'est par faiblesse. C'est parce qu'on a été vaincu par son plaisir qui nous a conduit à faire le mal. Notre désir nous a attirés vers de mauvais plaisirs et c'est en cherchant à satisfaire ces désirs que nous avons fini par commettre une mauvaise action. Mais Socrate, dont Platon transmet le propos, considère cette position comme absurde, comme incorrecte. Pour lui, il est impossible de vouloir faire le mal. La volonté est nécessairement orientée vers le bien. Socrate défend une conception intellectualiste selon laquelle le désir est subordonné à la connaissance. Selon la thèse intellectualiste, si on commet le mal, ce n'est pas parce qu'on l'a désiré, mais c'est par ignorance. Nul n'est méchant volontairement, nous dit Socrate. Si on commet le mal, c'est parce qu'on a mal jugé. Par exemple, un plaisir proche est apparu meilleur qu'un plaisir lointain, alors qu'en fait, il était mauvais. Mais si on possède une bonne science de la mesure, permettant d'évaluer les désirs et d'anticiper leurs conséquences, on ne commettra pas le mal. Ce problème-là est exposé voilà, dans un petit échange entre Socrate et Protagoras, que nous allons lire maintenant. Allons, Protagoras. Découvre-moi encore tes sentiments sur la science. Penses-tu sur ce point comme la plupart des hommes ou autrement? Alors voici l'idée que la plupart se forment de la science. Ils croient que la force lui manque et que sa destinée n'est pas de gouverner et de commander. Ils s'imaginent au contraire que souvent, elle a beau se trouver dans un homme, ce n'est point elle qui commande, mais quelque autre chose. Tantôt la colère, tantôt le plaisir, tantôt la douleur. Quelquefois l'amour, souvent la crainte. Se représentant réellement la science comme un esclave, que toutes ses passions traînent à leur suite comme il leur plaît. En as-tu la même idée? Ou juges-tu que la science est une belle chose, faite pour commander à l'homme, que quiconque aura la connaissance du bien et du mal ne pourra jamais être vaincu par quoi que ce soit, et ne fera autre chose que ce que la science lui ordonne? Qu'enfin l'intelligence est suffisante pour défendre l'homme contre toute espèce d'attaque. Socrate, me répondit Protagoras, la chose me paraît telle que tu dis, et il serait honteux pour moi, plus que pour tout autre, de ne pas reconnaître que la science et la sagesse sont ce qu'il y a de plus fort parmi les hommes. On ne peut, lui répondit Socrate, répondre mieux ni avec plus de vérité. Mais sais-tu que le plus grand nombre n'est pas en cela de ton avis ni du mien, et qu'ils disent que beaucoup de gens connaissent ce qui est le meilleur, ne veulent pas faire quoi que cela soit en leur pouvoir, et font tout autre chose. Tous ceux à qui j'ai demandé quelle était la cause d'une pareille conduite m'ont répondu que ce qui fait qu'on agit de la sorte, c'est qu'on se laisse vaincre par le plaisir, par la douleur ou par quelque autre passion dont je parlais tout à l'heure. Donc en fait, ce que nous dit Socrate, c'est que, en réalité, si nous avons une bonne connaissance, un étalon de mesure qui va permettre d'évaluer les désirs et d'anticiper leurs conséquences, on ne commettra pas le mal. Car c'est bien toujours le meilleur que l'on vise. L'articulation entre désir et volonté est ici la suivante. On a d'un côté la meute des désirs qui sont orientés de multiples façons vers toutes sortes de choses qui sont perçues comme plaisantes. Le désir s'oriente vers des choses qu'il croit être du plaisir, d'une certaine façon. Mais de l'autre, on a la volonté qui, elle, vise toujours le bien. C'est toujours ce qu'elle recherche. Et donc une volonté non informée par la connaissance risque de faire un mauvais choix parmi les désirs et de faire le mal. En revanche, une volonté informée par la connaissance fera toujours le bon choix, satisfaisant les désirs raisonnables et évitant les mauvais désirs.